To recap on the possessive so far, listen to these questions. If you hear the word for his or her, change it to my. For example, if you hear, C'est sa chambre? Is this his or her room? Then say, Non, c'est ma chambre. No, it's my room. And if you hear, C'est mon passeport? Is this my passport? Say, Non, c'est son passeport. No, it's his or her passport. Vous comprenez? Bon. Après la pause, écoutez la bonne réponse et répétez. Nous commençons. C'est sa chambre? Non, c'est ma chambre. C'est son passeport? Non, c'est mon passeport. C'est ma lettre? Non, c'est sa lettre. C'est sa chambre? Non, c'est ma chambre. C'est mon argent? Non, c'est son argent.